à l'heure pour un autre épisode. Et on continue dans la spé française avec tout d'abord Wrath of the Nebula, récente formation du sud-est de la France. C'est l'ami Kevin Paradis qui a enregistré la batterie, et c'est l'autre ami Quentin Regnault qui assurera les prestas live, puisque Wrath of the Nebula vient d'annoncer une série de dates sur la fin de l'année en compagnie ni plus ni moins que de Chris Youn et de Nile. Voilà, avec aucune date française hein, sur la partie de tournée que fera Wrath of the Nebula. Mais voilà, c'est aussi l'occasion de vous dire que Nile sera de passage à Nantes en novembre. Et j'en profite, puisqu'on est dans l'aspect française, pour à notre petite échelle à nous aussi tirer la sonnette d'alarme. Putain, il se passe quoi en France avec les concerts métal? J'ai vu beaucoup trop cette semaine de messages d'alarme qui ont été tirés par des orgas pour des concerts qui auront lieu dans les semaines, dans les mois à venir. Il n'y a pas de prévente. Alors ok, avec ce qu'on n'a pas encore tout à fait fini de traverser, il y a de quoi un peu serrer les fesses quand on voit des tournées qui approchent, à se dire voilà, ouais, putain, est-ce que ça va avoir lieu ou pas. Mais en fait, à part votre déception, qu'est-ce que vous avez à craindre d'affronter, puisque les orgas remboursent en fait. Tu prends ta prévente, ça n'a pas lieu, tu te fais rembourser, ça prend quelques semaines, tu t'en fous. Et enfin là, je vois mardi soir devait avoir lieu justement à Nantes l'escale de la tournée I Am Morbid, Belphégor et Hate. Donc I Am Morbid, accessoirement Morbid Angel, qui fait une tournée exceptionnelle pour les 30 ans d'un de leurs albums cultes. Sur la tournée sont réunis David Vincent et Pete Sandoval à la batterie. Voilà, donc un line-up d'origine de Morbid Angel. Belphégor, c'est pareil, c'est un groupe plutôt attractif. Hate aussi, mais c'est des groupes qu'on voit souvent par chez nous. Et bien la date est tout simplement annulée, faute de prévente. Et en regardant un peu dans les commentaires, et ben, j'ai constaté qu'il y avait plein d'autres dates de la tournée qui sautaient progressivement, faute de prévente. Je trouve ça absolument incroyable. Après la merde qu'on a traversée, dont on est en train de finir de se dépêtrer. Enfin, oui, il y en a une autre qui vient de tomber sur le coin de la gueule. Enfin, voilà, je comprends pas. Qu'est-ce que vous attendez? Attends, tu rallumes le micro. Ouais. Juste anecdote un peu perso, mais c'est vrai qu'on est allé voir Pensée Nocturne il y a quelques semaines à Nantes également. Il y a bientôt un mois, ouais. Et surpris du peu de monde qu'il y avait dans la salle. Il y avait à peine 150 personnes. Que se passe-t-il? Ouais. Vraiment, nous on était les premiers en mode go faire des kilomètres, on s'en fout. C'est ça. Et c'est ouais, surpris de voir si peu de monde dans la salle pour un groupe qui est quand même du secteur, enfin qui est, bah, qui faisait son premier concert suite à la sortie du dernier album, qui a été vachement plébiscité. Enfin voilà, alors après on pourrait dire oui, mais vous êtes en train de faire une émission alors qu'il y a un concert de hardcore au Puzzle. Quel rapport avec la choucroute? Il y en a pas, ça tombe bien, c'est parfait. Enfin voilà, c'était petit coup de cœur en forme de gueule ou coup de gueule en forme de cœur. Putain, mais allez voir des concerts, bordel. Et en doublette, donc avec Wrath of the Nebula, qu'on retrouvera en compagnie de Chris Youn et Nile sur la fin de l'année, on retrouve Yojimbo. Ça, c'est une nouveauté qu'on vous a sortie il y a une paire de semaines, du Galactic Stoner Rock. Ça, ne serait-ce que pour l'étiquette, en fait, il y a tout pour attirer l'attention. Un premier EP, voilà, ça permet de respirer un peu dans cette spé française. Voilà, Yojimbo, si je retrouve le titre du morceau et de l'EP, c'est mieux. Bon, l'EP s'intitule Yojimbo. Le titre sera Battlefield et Wrath of the Nebula, on s'écoutera le morceau Fractal Dimension. C'est parti, et l'album est déjà dispo. Yeah. Doublette suivante, toujours dans l'aspect française, une doublette bien bien bien crasseuse avec tout d'abord El Militia, le groupe de black, brutal black de région parisienne qui sort là son 4e album studio 10 ans après Jacob's Ladder. Il nous envoie Hollow Void, qui est le grand plaisir de revoir El Militia dans le game, et puis en plus ils se mettent à enchaîner les dates. Une sortie toujours chez Season of Mist, on va s'écouter le titre de l'album. Et en doublette avec El Militia, Viande, groupe qui nous vient de Chambéry. On est sur du Death Black Death, c'est ultra rao, c'est bien primitif, c'est dégueu. L'abîme défore les âmes, c'est bestial et primitif, et c'est chanté en français. C'est hyper efficace, hein. L'album est prévu pour le 15 avril, et on s'écoutera le morceau La Tombe Avide, El Militia et Viande. Pure fentanyl, it is fire. It is so dangerous. It's like the most horrid wretch in pure terror you can imagine. It feels like something slowly like just pulling your life force out of you, and then your tunnel vision starts getting smaller and smaller, and around this tunnel, it's just darkness, right? And it gets smaller and smaller and smaller, closes, and On continue dans l'aspect française de l'émission Albanger de ce soir, 21h25 à la pendule de Radio Béton. Alors pour ceux qui auraient pris en cours de route, hein, on n'a pas commencé à 21h. Pour rappel, quand on est en direct, on commence bien souvent à 20h et on éteint les micros autour de 22h30, peut-être même un petit peu plus tôt ce soir. Et on profite de l'aspect française pour faire les annonces de concerts dans les semaines et mois à venir. On va axer principalement sur les dates de Catharsis, parce que c'est eux qui ont le plus gros calendrier, on va dire. T'as la chronologie exacte? Ouais, j'ai les dates et vas-y, la chrono. Envoie. Donc on a le 2 mai avec Nervo Chaos. Donc je te laisse présenter les groupes. Le groupe brésilien de Death, Black Death, qui sera pour le coup accompagné de Merciless. Ouais. Le groupe culte de Death français. Ouais, complètement. Bon, tristement, guillemets, hein, tristement, ouais. Merci aux Canadiennes d'accueillir toujours les de dates. De pouvoir et permettre, tout, c'est ça, d'accueillir mais ce type de plateau. Voilà, Merciless aux Canadiennes. C'est un peu triste de voir un groupe aussi légendaire de la scène française jouer dans des conditions aussi restreintes, on va dire. Mais bon, ça va être chouette, venez, ça va être cool. Quoi qu'il en donc soit. Ça doit être comme d'hab, 5€, c'est 5€ ça. Au Cana. 5€, 19h30 au Cana, et ça va déboîter. Derrière, donc quelques jours après, parce que le 7 mai, on enchaîne avec l'excellent groupe de Heavy Meurtrière. Venez, ça va être génial. Accompagné avec Black Squid, moi je connais pas. Non, non plus. Ça doit être du. Connaissant à Catharsis, ça doit être du Heavy également. Mmh. Mais pareil, la recette est la même, hein, 5 balles aux alentours de 19h30 ouais, au Cana. C'est du hard. Très bien. Donc voilà, 5 balles, comme d'hab, canadienne, 19h, voilà. Rien de d'inhabituel. C'est ça va être des bonnes soirées, venez. Derrière, le 20 mai, on a l'excellent groupe de black metal français, Regarde les hommes tomber. Je connais pas. Qui sera au Temps Machine, accompagné de Mutterlane. C'est du black vraiment cool, venez, ça va être chouette, on va se tailler les veines tous joyeusement. Et voilà. Et derrière, me semble-t-il, il y a une autre date, oui, Unforced, le 30 juin, avec Verbal Razor en dessous, et on aura Cavalry, particulièrement, qui va être particulièrement cool derrière, et j'ai pas le nom en entier du dernier groupe, Pavement Punishment. Donc là, c'est une soirée Catharsis. Par contre, ça a lieu au Raid à Rochecorbon. Donc ça doit être un tout petit peu plus cher. C'est peut-être, je sais pas, peut-être 10 balles. C'est 10 balles, c'est ça. Voilà. C'est un vendredi soir, juste avant l'été. Donc venez suer un coup. C'est un jeudi. Mais... quoi qu'il en soit, venez suer un coup. Hein, il fera beau, il fera chaud et ça va blaster dans les chaumières. Donc voilà, puis Unforced, ça se rate pas, hein, c'est la teuf. Et puis Cavalry, ça se rate pas non plus, tout bien, simplement. Bien vénère comme il faut, ça va être une belle soirée. Voilà, et on reprend le calendrier à l'envers, puisque beaucoup plus proche de nous, le 23 avril, soit la semaine prochaine, au Bateau Ivre, une soirée gratuite, entre guillemets, puisque du coup, c'est soirée prix libre, mais conscient, avec Athesia, Aeroplane et Arrow Aura, clairement la soirée la plus intelligente de toutes celles qu'on vient de vous présenter, puisque là, on est sur du prog, du death prog, du modern death. Voilà pour la présentation de la soirée du 23 avril au Bateau Ivre. Et puis surtout, Arrow Aura, donc AO, fera son retour dans de très bonnes conditions scéniques pour présenter son nouveau line-up, à savoir son nouveau vocaliste à grande échelle, et présenter des nouveaux morceaux en prévision de la prochaine sortie studio. On a fait le tour, à ma connaissance, sur une autre date à annoncer pour juin, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard, parce qu'elle n'est pas encore officialisée. Retour à la musique avec, toujours dans l'aspect français, tout d'abord Yarotz, groupe de hardcore français, logique. je m'étouffe de joie. Premier album studio intitulé Irenies. L'album est déjà disponible, on s'écoutera le titre Childish Anger. Et en doublette, le black bestial et brutal venu du nord de la France de Excruciate 666, Anti-Warlord Supremacy, voilà, tout est dans le nom de l'album. Le groupe existe quand même depuis 1994, hein, une belle carrière pour la formation underground française. On s'écoute le titre Deadfall of Alesia, c'est parti. Et on va quitter très très vite l'aspect française, à peu près de la même manière quand on est rentré dedans, hein, à grands coups de tatane, avec Proudhon, le très très très bon groupe de Death Grindes, qui sort son premier album après le très très bon The Damaged Bodies l'année dernière. Là, l'artwork, on pourra en parler des heures, il est fantastique cet album de Proudhon. Donc c'est du Death Grind anarchiste, forcément. Quand on s'appelle Proudhon, hein. Marxisto-anarchiste. Voilà, donc on va s'écouter une doublette dans la doublette. Ce nouvel album sort comme le précédent EP chez Inhuman Homicide Records et également Social Tympanum et Duality Records, hein, pour tout ce qui est CD, vinyle, cassette, etc. Et on va s'écouter donc la doublette dans la doublette entre Acologie et Salt. Et puis après, on se retrouve pour le retour à la diff internationale. Proudhon. Retour à la diff internationale, 21h40 à la pendule de Radio Béton. Et ce retour à la diff internationale, eh bien, on va l'attaquer avec le second focus de l'émission de ce soir. Donc, on rallume le micro de Thibaut parce qu'il a le droit de nouveau de parler. C'est bon ? Oui, tu as été sage. Ah, c'est gentil. Deuxième focus de la soirée. Et étonnamment, c'est un groupe de black metal que j'ai sélectionné. Nous sommes surpris ? Ouais, non, promis, je ferai des efforts. Il serait peut-être temps. Peut-être. Du coup, un groupe allemand que j'ai. Alors, il y aura promis, ce sera moins long que le précédent. Du coup, Sumerian Tombs, un groupe qui est tout nouvellement formé, parce qu'il s'est formé. Alors, j'ai pas la date exacte, mais ils ont dû se former courant de l'année 2020 ou par là. Parce qu'ils ont pas sorti énormément de choses. Ils ont fait quelques démos courant de l'année 2021 pour sortir là leur tout premier album. Côté line-up, c'est un peu le désert absolu. J'ai pas spécialement noté de choses que les membres étaient faisaient partie d'autres noms qui me parlaient. Non, c'est pareil, t'as un espèce de flou autour de leurs identités et il y a pas de ah putain, on aurait pas dû cliquer sur la photo promo du groupe. La photo promo, elle vaut le détour. Ouais. Ah, c'est une blague, c'est une ah la vache. Mon cœur va au Doc Martens rouge. Non, on va pas du tout. non, on va pas regarder le line-up. On va rester juste sur l'aspect musical de Sumerian Tombs. Ouais, non, alors en vrai, la pochette de l'album, je l'ai bien aimé. Oui, aussi. Voilà, restons sur les choses vraiment liées à l'artistique. L'artwork, oui, très riche. Et même le nom du groupe et la typo du groupe nous envoie tout de suite vers une ambiance très spécifique. Ouais, bah complètement. Bah, le projet est ouvertement tourné vers le délire sur la mythologie sumérienne et également sur un petit peu le vampirisme qui transpire à travers tout ça. Ouais, l'artwork, il est en adéquation, je trouve, avec le truc. T'as cette espèce de grandeur qui te dépasse. Tour de Babel. Cet escalier là qui va vers l'infini et le côté très géométrique de l'environnement. Donc déjà, je trouvais l'artwork, il est cool. Je trouvais vraiment sympa. Et ça colle parfaitement avec leur musique, avec quelque chose d'assez interminable. C'est pas péjoratif quand je dis interminable, mais quelque chose qui va traîner en longueur et qui va être un petit peu insurmontable en termes de musique, parce qu'on est donc dans un black metal qui va se présenter quand même assez, qui est assez atmosphérique, avec quelque chose de très grandiose et très puissant qui va venir t'écraser. Tu vois, c'est le genre de truc qui te retourne et tu te sens tout petit. Oppressé. Ouais, complètement. Puis il y a cet aspect, le Black Atmos, c'est un truc que j'aime énormément, mais ce côté un peu mur de son où t'as quelque chose qui est indépassable et avec des moments qui sont contemplatifs, mais tu sais, c'est contemplatif, je suis tout petit et puis je vois quelque chose qui... Face à la grandeur. Ouais. D'ailleurs, la grandeur, parlons-en, parce que bon, on parle de mythologie sumérienne, mais quand on regarde un peu les titres de morceaux, on est carrément dans le Lovecraftien. Oui, oui, bah là, il y a. Je t'avoue que j'ai pas relevé. Bloodspell of the Ancient, ouais. Tomb Lurker, Altar of the Past, Invoke the Old. Non, mais effectivement, voilà. j'ai pas du tout. Et fait, du coup, fait cette dimension de grandeur et d'écrasement face à la musique de Sumerian Tombs, t'as toute cette ambiance, comme tu disais, sur les atmosphères qui rejaillit sur l'auditeur. Phrases incroyables. Ouais, c'est putain, Vueler en plus, c'est surprenant. Oui, vraiment. mais c'est vraiment, j'ai pas grand chose à dire d'autre que juste j'ai aimé cet album, tu vois. Il n'y a pas spécialement des instruments qui ressortent du lot ou quoi que ce soit plus que les autres, c'est juste une super bonne composition pour un premier projet, c'est hyper solide. Et puis c'est encore une fois, c'est un album, c'est pas la pièce maîtresse du genre, mais pour chercher un peu de fraîcheur et chercher un peu de nouveauté dans le style, c'est un bon produit. Sumerian Tombs, c'est super bien branlé et moi j'ai passé un super bon moment à l'écouter. 42 minutes de musique, des titres généreux hein, qui font entre 5 et 7 minutes, deux interludes dont une intro instrumentale, puis je dirais justement le morceau qui dure une trentaine de secondes, vu le titre du morceau, ça doit être une espèce d'invocation lovecraftienne justement. Sumerian Tombs, les présentations sont faites pour ce second focus ce soir. Une sortie Van Records tout de même, pour un premier album, un album éponyme donc, et on va s'écouter justement Bloodspell of the Ancients. C'est parti. On enchaîne avec la doublette suivante. On s'approche tout doucement de la fin de l'émission Headbanger de ce soir. Avec tout d'abord Messa. On est sur du Doom assez rythmé. En plus, pour le titre choisi ce soir, ça nous vient d'Italie. C'est une femme qui porte le projet derrière le micro. Close, c'est le nom de ce troisième effort studio. On s'écoutera le morceau Dark Horse, et l'album pardon, est signé chez Svart Records. Et en doublette avec Messa, Mortify. Là, on est sur du death old school bien rugueux qui nous vient du Chili. Second album studio, Fragment at the Edge of Sorrow. Messa, Mortify. Mortify, on s'écoutera le titre Contaminated Echoes. C'est parti. We'll be right back.